Mister Loba Loba. Prese matinile internaționale. Toujours matinile la CCPD. Afetini comis. Le meilleur quartier mandata. Pere gona, tia la fila, tia la fila que se mai la suspect. Moïse est un peu toujours en action. Les conseillers Salomon Escalera. On s'amuse. Fondation Samuel et Kofi. Voilà où c'est marié. Chéri, je deviens méchant. Même pas des cartes. Même pas des bises. DJ Kitoko. Chez moi ici, façon, façon. Aïe, aïe, aïe. Eh, c'est pas pour les mots de Chagrin, là. Viagra là, c'est pour jouer au super-héros ailleurs. Chez elle, énergie totale. Petit piment. DJ Brown. Super mal. Alors que chez moi, tu me tournais les dos. DJ Marouille. Fatigué, tu dormais beaucoup. Les hommes, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi tu vas ailleurs? Parce que j'ai perdu. Mais parce que j'ai 5 enfants. Profite, profite avec ta petite là qui vient de naître là. Profite bien. Mais lui aussi 5 enfants, tu vas voir si elle n'a pas vergiture. Et tu vois qu'elle c'est un robot. Donc ton front là, tu vas gratter la tête jusqu'à la carte. Là où des Wonga les banquiers. Allez, laissez les petits emporter. Laissez les filles s'emporter. Serge Ingongo de Londres. Y'a Rose Chinguta. Mon fleuri. Bamba immeuble Eric Sassala. Chegue le petit. Chiquito tu samba ya breken bayaka. Chegue le petit. Ale ya ya tuga tuga tuga. Berki fundianga. Chegue le petit. Ale ya ya tuke. Edo shamba keboa. Chegue le petit. Ils en ont avant quoi.